département. 9-2. Pour les blocs, pour tous les bâtiments. 9-2. Ghetto A. 9-2. Pour les sages et pour les plutôt bas. Ok, je joue avec la vie comme dans une partie de poker. Celui qui distribue les cartes a trop smoké la moquette. Il collerait comme le Joker. Ok, j'ai compris qu'il fallait tirer au gun et éviter le lance-roquette. Haute Seine, département du rap, on le sait. De la drogue, ici pour nous c'est un job. Du pilon de la com, les polos reviennent encore. Du kilo à la tonne, la police a des entorses. Moi je leur ai fait mal au corps, je les ai fait courir dans le bloc. Ils ont sorti les torches, mais m'ont pas trouvé sous le port. Les gros, ils ont du mal, ils ont la grippe aviaire. C'est des gros mythomanes, ils ont la bite à l'air. Ils veulent nous péter, parce qu'on vend de la zèbre. Hiver comme été, ils veulent nous voir au head. Les gars, faut star, même si t'habites au rave. Même si t'as mis ton cash, bien planqué dans ta cave. Ne fais pas confiance à ton meilleur ami. Il sera bien loin quand il t'aura trahi. Black tournant. Black tournant. 9-2. Je viens du ghetto. 9-2. Si tu testes sans les bastos. 9-2. Nilness vient du 9-2. Où le rap et la drogue sont durs. Je viens du 9-2. Haute-Seine département. 9-2. Pour les blocs, pour tous les bâtiments. 9-2. Ghetto A. 9-2. Pour les sages et pour les plutôt bas. Yo. À cause des charges, je vais traîner en gilet pare-balles. C'est chaud à Bagneux depuis l'histoire du gang des barbares. Barbares sans avoir donné tes phares. Tu passes pas même si t'as bossé à la fac. C'est le même tarot pour les beurs et les blacks. C'est mieux si tu bicraves après avoir eu ton bac, négro. La rue est douce, ça fait des smacks, négro. Un marque des buts, de temps en temps, a fait des smacks. Alors c'est ridicule. Dans mon 9-2, je suis là pour faire des thunes. Je mets mon pull à capuche, je suis là pour faire la une. De la plaine à la pute, rouge, je suis venu vider mes purs, négro. Je suis venu casser le cul des gros, faire de la pub à mes petits négros. Alors je représente mon 9-2, ses démons et ses anges. Ses cagoules et ses gens, ses ambiances et ses gangs. Ses gova et ses jantes, plaque tournante. Du ghetto 9-2. Si tu testes sans les bastos 9-2. Nilness vient du 9-2. Où le rap et la drogue sont durs. Je viens du 9-2. Haute-Seine département 9-2. Pour les blocs, pour tous les bâtiments 9-2. Ghetto A 9-2. Pour les sages et pour les plutôt